بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 67 dans l'explication du livre عقيدة أهل السنة والجماعة du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen avec le commentaire de Cheikh Ibn Uthaymeen lui-même de son livre. Et on a terminé il y a quelques cours le chapitre au sujet de l'Iman ou Billah, et maintenant on a commencé depuis la semaine passée, depuis deux cours, là on a commencé l'Iman ou Bil Malaika, et on est rendu donc à l'explication de l'Iman ou Bil Malaika, et on était en train d'expliquer au dernier cours qu'il y a les anges qui sont chargés des montagnes, qui s'occupent des montagnes, et on a donné l'exemple à ce sujet-là. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est allé à Taif et qu'il est parti pour inviter les habitants de Taif à l'islam, mais malheureusement il a été accueilli par des gens qui l'ont chassé avec des pierres, et il est parti donc de là-bas avec les pieds en sang à cause des roches que les esclaves et les enfants lui ont lancées. Une fois en chemin vers Mecca, il s'est arrêté près de Taif, et puis il a eu la visite de Jibril alayhi salam, et qui lui a dit si tu me demandes, hein, il a dit il y a les anges des montagnes, et si tu le désires, eh ben je vais écraser les gens de Taif entre ces deux montagnes. Hein, il a dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu en disant non, yani je souhaite que de la descendance de ces gens là il y ait des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a eu de la miséricorde pour eux, et le cheikh il a pris de ça une leçon pour dire que la personne qui invite Allah et qui prêche l'islam, il ne doit pas inviter les gens pour lui-même ou à lui-même, mais il doit inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne doit pas se fâcher pour lui-même ou vouloir se venger pour lui-même, mais plutôt il doit penser au bien des gens et à réformer. Donc le Cheikh Ibn Uthaymeen il parle à ce sujet-là, il dit فلا تكن ممن يدعو الى نفسه بل كن ممن يدعو الى ربه بالحكمه والموعظه الحسنه حتى لو افضل حال الى ان تضحك في وجه الفاسق من اجل ادخال السرور عليه واستعداده لقبول ما تقول فافعل فقد تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق كبير رجاء الاصلاح. Donc le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il dit ne sois pas de ceux qui invitent les gens à leur propre personne, qui appellent les gens à eux-mêmes, mais plutôt sois de ceux qui invitent à Allah avec sagesse, avec la bonne exhortation, même si cela t'amène à rire ou à sourire plutôt dans le visage de la personne qui fait des péchés, dans le but de le rapprocher ou de lui mettre la joie dans son cœur et de le préparer à accepter ce que tu lui dis. Hein? Parce que si tu vas vers la personne qui fait des péchés avec un visage méchant ou fâché et que tu essaies de lui parler, peut-être que le fait que tu l'approches de cette manière, la personne elle va pas vouloir t'écouter. Elle va même pas vouloir accepter de toi. Mais si tu viens avec lui souriant et que tu viens avec douceur et gentillesse, eh bien ça c'est quelque chose qui fera en sorte que la personne sera plus apte à accepter de toi. Et donc il donne l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accepté de laisser certains de ses droits ou certaines des choses qui sont très importantes dans le but de voir ce qui est plus bénéfique, hein, et de ramener un plus grand bien dans la religion. Et il donne l'exemple par rapport à ce qui s'est produit le jour de Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah, c'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signé une entente avec les mouchriquins de Mecca. Et donc, il explique que parmi les règles de cette entente, parmi les conditions de cette entente avec les mouchriquins, il y avait des conditions et des clauses qui étaient défavorables aux musulmans et qui favorisaient les non-musulmans. Et malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté de les signer, de signer cette entente, parce qu'il a compris qu'à long terme, c'est quelque chose qui allait ramener un grand bien pour les musulmans et pour l'islam. Alors, le cheikh Ibn Uthaymin, il dit « حيث حصل من جملة الشروط الثقيلة أن يرد هذا الذي جاء معتمرا إلى بيت الله عز وجل بينما لو جاء أعرابي من أخبث الناس شركا ليعتمر فإنه لا يرد وهذه غضاضة عظيمة ومنها أنه التزم صلى الله عليه وسلم بأن لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وذلك لما أملى على الكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن قال ماذا أكتب قال اكتب بسم الله باسمك اللهم قال اكتب باسمك اللهم ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن ومنها أنه لما قال هذا ما قضى عليه رسول الله قالوا لا تكتب رسول الله لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا صددناك قال ماذا أكتب قالوا أكتب محمد بن عبد الله قال أكتب محمد بن عبد الله ولكنه قال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني حتى لا يفهم فاهم زوال وصف الرسالة عنه. Donc on va commencer par expliquer ces passages là. Le cheikh Ibn Uthaymin, il dit que parmi les lourdes clauses et les lourdes conditions qui ont été mises dans cette entente de Al-Hudaybiyah et qui étaient, comme j'ai dit, défavorables pour les musulmans, eh bien, il y avait le fait que si un musulman venait pour faire la Umrah, il devait être renvoyé. Il ne le laissait pas faire la Umrah. Tandis que si un bédouin parmi les mouchriquins venait faire la Umrah, il ne le renvoyait pas. Il le laissait faire la Umrah parce que c'était un mouchrik. Donc ça, c'était quelque chose de grave. Et aussi, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, écrivez en haut de cette entente, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, bismillahirrahmanirrahim. Et lorsque il a ordonné aux scribes d'écrire bismillahirrahmanirrahim, les mouchrikoun ont dit, nous on ne connaît pas Ar-Rahman, on ne connaît pas le nom Ar-Rahman, donc on ne veut pas que tu écrives Ar-Rahman. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce qu'on écrit à la place? Il a dit, on écrit bismikallahumma. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au scribe, écrit bismikallahumma. Alors que le messager sallallahu alayhi wa sallam savait que Allah il est Ar-Rahman, et que Ar-Rahman c'est un de ses noms. Et un autre exemple des exemples des conditions que les mouchriquins ont mentionné, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu écrire ce que le messager d'Allah a décrété, eh bien, eux, ils ont dit non, n'écris pas messager d'Allah. Ils ont dit, si on croyait que tu étais le messager d'Allah, on ne t'aurait pas combattu. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et moi, dans ce cas, qu'est-ce que j'écris? Il a dit, écris Muhammad, fils d'Abdullah. Alors, il a dit, écris Muhammad, fils d'Abdullah. Mais il a dit après, il a dit, je jure par Allah que je suis le messager d'Allah, même si vous me traitez de menteur, ou même si vous refusez de croire, pour pas que quelqu'un comprenne qu'il avait accepté qu'on enlève cette description du fait qu'il était le messager d'Allah. Ensuite, il a dit, وَمِنْهَا أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا وَجَبَ أَنْ نَرُدَّهُ إِلَيْهِمْ وَمَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ لَا يَرُدُّونَهُ وهذا من أثقل ما يكون ومع ذلك قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أبوا أن يجروا الصلح إلا على هذا وبدون أي تنازل منهم وقد أقسم عليه الصلاة والسلام حين بركت الناقة أن لا يسألوه خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجابهم إليها وإلا من يستطيع هذا ومن ثم فعل عمر ما فعل نحو هذا الشرط. Donc le cheikh dit il y a une autre condition et ça c'est une condition qui était vraiment dure, c'est celle-là qui a fait que certains parmi les compagnons ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient vraiment pas contents. Et cette condition-là, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils ont dit, si un musulman vient à Médine, c'est-à-dire il quitte la Mecque pour aller à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit le renvoyer à Mecca. Hein? Et il dit, et si l'un d'entre les musulmans de Médine quitte pour aller à Mecca rejoindre les mouchriquins, eh bien ils n'ont pas à le retourner, ils le gardent. Alors, ça c'était très très lourd et c'était très très dur, mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accepté. Vous imaginez un musulman parmi les musulmans de Mecca qui est maltraité par les mouchriquins parce qu'il est musulman, il quitte Mecca pour aller à Al-Madinah pour vivre avec les musulmans et avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis quand il arrive à Al-Madinah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit retourne. J'ai pas le droit de t'accueillir parce que j'ai signé l'entente avec les mouchriquins, je peux pas t'accueillir, tu dois retourner. Et il devait partir, il pouvait pas rester. Donc ça c'était une condition très difficile pour les musulmans et très dure pour les musulmans. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté et il a fait un compromis sur cette condition-là. Parce qu'il avait juré, quand il est descendu de sa chamelle, il avait juré qu'il n'allait pas refuser une des conditions par lesquelles il allait être capable d'établir la religion d'Allah, excepté qu'il allait accepter leurs conditions. Tant qu'il lui demande quelque chose, il allait l'accepter. Et ici, on a vu qu'il a accepté cette condition-là. Et Omar, radiallahu anhu, quand il a entendu cette condition, il était tellement fâché. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Quand il a entendu ça, il était tellement fâché, il n'était pas content. Et il a dit à Abu Bakr, radiallahu anhu, est-ce que c'est pas nous, les musulmans, et eux, les mouchriquins, est-ce que c'est pas vrai que nous, si on meurt, on est au paradis, eux, s'ils meurent, ils vont être en enfer? Abu Bakr a dit oui. Il a dit, n'est-ce pas que c'est nous qui devons être au-dessus d'eux? Et Abu Bakr a dit oui. Il a dit, alors dans ce cas-là, pourquoi on accepte des conditions comme ça qui nous mettent de façon défavorable? Et Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit, je suis le messager d'Allah. Abu Bakr a dit, il est le messager d'Allah, il ne va pas lui désobéir. Il est le messager d'Allah et il ne lui désobéit pas. Et quand il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé la même chose. Il a dit, oh messager d'Allah, pourquoi on accepte des conditions comme ça dans la religion alors que nous on est les croyants, alors que eux c'est les perdants, c'est les mouchriquins. Il a dit, je suis le messager d'Allah, je ne lui désobéis pas. Hein? Et à la fin, cette entente de Al-Hudaybiyah, ça a été une grande victoire pour les musulmans. Et il y a eu un grand bien qui est découlé de cette victoire-là. Pourquoi? Parce que c'est à cause de cette entente de paix que les musulmans ont eu la liberté par la suite de se concentrer sur la da'wah et de pouvoir propager l'islam. Pendant 10 ans, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de conflit. Donc les gens ont pu voir la réalité de l'islam et ça a été une victoire. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a appelé dans le Coran Al-Fath Al-Mubin, hein, dans surat Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Les gens ont pensé que ça c'était la conquête de la Mecque et les ulama, ils ont dit non, c'est pas la conquête de la Mecque, ça c'est la sulh al-Hudaybiyah, c'est l'entente de paix de al-Hudaybiyah, parce que c'est grâce à cette entente là que les musulmans ont pu vraiment commencer à se concentrer sur la da'wah et montrer la réalité de l'islam. Donc il y a eu un grand bien dans ça. Et que même cette condition-là que les musulmans avaient trouvé très difficile lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait signé cette entente, eh bien les mouchrikoun sont venus eux-mêmes voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui supplier de changer cette condition-là et pour l'enlever. Pourquoi ? Parce que ça devenait trop difficile pour eux. Parce que chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam renvoyait des musulmans à Mecca, lorsqu'ils arrivaient et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je ne peux pas vous accueillir, vous devez partir », ils ne retournaient pas à Mecca. Ils s'arrêtaient quelque part entre la Mecque et Médine et ils se rassemblaient. Et à un moment donné, ils sont devenus tellement nombreux que quand ils bloquaient les caravanes de Quraysh, hein, entre la Mecque et Médine, les mouchriquins sont venus les voir, ils ont dit au prophète, il faut que tu acceptes les musulmans qu'ils reviennent à Médine, parce que là, ils sont en train d'attaquer nos caravanes, et nous, on ne peut pas les arrêter. Donc, à partir de ce moment-là, le prophète a accepté de changer cette condition-là, qui était au début défavorable, mais c'est eux-mêmes qui ont demandé de l'enlever. Donc c'est pour dire, lorsque quelqu'un est sincère avec Allah et lorsqu'il veut le bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne toujours la victoire de toutes les façons, hein? Il peut, même si au début on ne peut pas le voir tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shaykh il dit wa ala kulli hal فالمقصود من هذا هو أن الإنسان ينبغي له أن يدعو إلى الله لله لا لنفسه أن يدعو إلى الله لله لا لنفسه. Donc le cheikh dit, de toute façon le but d'avoir expliqué cet exemple là c'est de faire comprendre que lorsque quelqu'un invite les gens à Allah, il doit appeler les gens à Allah pour Allah, pas pour lui-même, hein? Pas pour sa personne. Donc à partir de ce point là il continue, il dit in talaqna min hadha al kalam aw bi hadha al kalam min qawl al rasul sallallahu alayhi wa sallam li malak al jibal istani bihim la'alla Allah an yukhrij min aslabihim man ya'budu Allah wa qad tahaqqaqa hadha al tawaqqu' wal raja' فخرج من أصلاب هؤلاء من جاهد في سبيل الله وقاتل في سبيل الله وعلى به دين الله عز وجل والمسألة مشهورة معروفة. Donc le cheikh il dit, on est parti donc de ce point là pour mentionner l'exemple de la parole du prophète sallam à l'ange de la montagne, hein? Laisse-les car peut-être que Allah va faire sortir de leur descendance des gens qui vont adorer Allah, hein? Donc il a eu miséricorde pour eux, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait espéré s'est réalisé, hein? Et son espoir s'est concrétisé, puisque de la descendance de ces gens de Taif, on a eu des gens qui ont été des grands musulmans, des bons musulmans, qui ont lutté dans le sentier d'Allah, qui ont combattu dans le sentier d'Allah et qui ont élevé la parole d'Allah et la religion d'Allah. Donc ça c'est quelque chose qui est célèbre et qui est connu dans l'histoire. Et aujourd'hui la ville de Taif, depuis des siècles, elle est une ville musulmane et elle est remplie de mosquées, et puis c'est une des villes parmi les villes de l'islam. Donc ça c'est un point important. Le cheikh il dit ensuite وَمِنْهُمْ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَمِنْهُمْ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ. Donc il dit également, parmi les anges il y a un ange qui s'appelle Malik, et lui c'est le gardien de l'enfer. Donc il dit le cheikh وَقَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ فنؤمن بأن هذا الملك اسمه مالك وَأَنَّهُ خَازِنُ النَّارِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 77 dans Surat Az-Zukhruf, وَنَادَوْا, et ils ont appelé, ô Malik, hein, fais que ton Seigneur nous achève une fois pour toutes, hein, pour qu'on ait le répit, hein, pour que le châtiment cesse, hein, fais que ton Seigneur nous achève. Et il répond, قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ, c'est-à-dire vous allez rester, vous allez demeurer dans le châtiment encore, hein. Donc nous croyons qu'il y a cet ange et que son nom c'est Malik, et c'est lui le gardien de l'enfer. Le cheikh il dit ensuite, وَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ مُوَكَّلُونَ بِالْأَجِنَّةِ فِي الْأَرْحَامِ. Il dit, il y a également des anges qui se chargent des fœtus, hein, de mettre l'âme dans le ventre de la femme lorsque il y a le bébé est dans le ventre. Eh bien, ils viennent pour insuffler l'âme et écrire la destinée de cet enfant, de ce bébé. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit à ce sujet-là, « وَمِنْ عَقِدَةِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الإيمان بالملائكة مع أن الملائكة عالم غيبي ولكن هذه فائدة الإيمان أن يؤمن الإنسان بالغيب كما يؤمن بالمشاهدة ونحن ربما نأتيهم أعيننا وأسماعنا ولكن فربما نتهم أعيننا وأسماعنا ولكن لا نتهم خبر الله ورسوله خبر الله ورسوله فنؤمن بوجود الملائكة كما سبق وبما ثبت من أعمالهم ووظائفهم ومن ذلك ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام. دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث ويرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. Donc le cheikh il explique que la aqida d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, elle consiste parmi les éléments de la foi, c'est la foi en les anges comme on l'a expliqué. Et il dit que la foi en les anges, c'est une foi en un monde invisible. Hein? Mais il y a un bienfait pour la foi dans le fait de croire en ça, c'est que l'être humain, hein, il croit en qu'est-ce qui est invisible, comme il croit en ce qui est visible. Et il dit peut-être même que on peut douter ou mettre en doute ce que nos yeux peuvent voir, ce que nos oreilles peuvent voir, mais on ne doute pas, ou bien on ne va pas accuser, hein, l'information qui vient d'Allah et de son messager. C'est-à-dire qu'on croit plus en ce qui vient d'Allah et de son messager que ce que nos yeux et nos oreilles peuvent voir même. Donc, nous croyons en l'existence des anges, comme on l'a expliqué, et en tout ce qui a été mentionné comme information au sujet de leur travail et au sujet de leurs tâches. Donc tout ce que les anges ont comme travail et comme responsabilité, ça il faut croire. Et parmi les exemples, on en a mentionné. Un autre exemple, c'est l'exemple qu'on a mentionné que il y a des anges qui sont des anges qui sont chargés de venir porter l'âme dans le ventre de la mère lorsqu'elle a un bébé. Et il dit, la preuve de ça, c'est dans le hadith rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est authentique. Et il dit dans ce hadith, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le véridique, a dit que la création de l'un d'entre nous est réunie dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous la forme d'une nutfa. Hein? Puis, ensuite, il est sous la forme d'une alaqa. Hein? Les ulama, ils disent, c'est comme une... quelque chose comme une... une alaqa, c'est quelque chose qui s'accroche pendant encore un nombre de jours de 40 jours, encore une fois. Donc, ça fait 40 jours, plus 40 jours. Puis ensuite, une mudra, hein, comme un morceau de chair mâchée, hein, mudra, pendant 40 jours encore. Puis, il est ressuscité. On lui envoie un ange, c'est ça. Yub'athu wa yursalu ilayhi al-malak. Donc on lui envoie l'ange et l'ange lui souffle l'âme dans le fœtus. Donc quand on calcule 40 plus 40 plus 40, 3 fois 40, ça fait 120. 120 jours, c'est la période de à peu près 4 mois. Donc 4 mois, c'est au moment où le bébé commence à être vivant. Hein? Et à partir de ce moment-là, c'est justement parce que l'ange est venu à ce moment-là pour mettre l'âme dans le fœtus. Avant ça, il n'y a pas d'âme. Avant 4 mois, il n'y a pas d'âme encore. Mais à partir de 4 mois, même les mères, elles le disent. Hein? Une femme, quand elle est enceinte, elle dit... À partir de 4 mois, elle commence à sentir le bébé qui bouge. Avant ça, elle ne le sentait pas. Et à ce moment-là, elle sent le bébé qui commence à bouger. Donc, il dit, et l'ange est ordonné d'écrire 4 choses, 4 paroles. Il doit écrire son risque, c'est-à-dire sa subsistance, qu'est-ce qu'il va avoir comme subsistance. Ses œuvres, qu'est-ce qu'il va faire comme action, et son terme, c'est-à-dire jusqu'à quand il va vivre. Barakallahu fik, shukran. Donc, combien de temps il va vivre, et shaqiyun ou sa'id, est-ce qu'il va être heureux ou malheureux dans ce monde, hein? Ou est-ce qu'il va être heureux ou malheureux dans l'au-delà? Tout ça c'est écrit, hein, à ce moment-là. Ensuite, il dit wa akharun muwakkaluna bihifz bani Adam. Il y en a d'autres anges qui sont chargés de protéger les fils d'Adam. Donc il y a des anges qui sont chargés de protéger les fils d'Adam. Et il dit à ce sujet, قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. C'est le verset 11 dans Sourate Ar-Ra'd. Et on l'avait mentionné, je pense, au dernier cours ou bien dans des cours précédents. Donc on va traduire ce verset-là. Donc on a dit le verset 11 dans Sourate Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie l'homme, hein, à part devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par l'ordre d'Allah. Donc l'ange, il a des anges devant et derrière qui se relaient et qui veillent sur lui, hein, par l'ordre d'Allah. Non, c'est d'autres anges. C'est pas les anges qui écrivent tes actions. Non, eux ils sont chargés que d'écrire. Ça, c'est d'autres anges qui sont chargés de protéger les fils d'Adam. Hein? Et il dit وَأَخَرُونَ مُوَكَّلُونَ بِكِتَابَةِ أَعْمَالِهِمْ لِكُلِّ شَخْصٍ مَلَكَانَ. Et donc il y a d'autres anges, eux ils sont chargés d'écrire les œuvres, hein? Les œuvres que tu fais. Et à chaque personne, à chaque être humain, il y a 2 anges, 2 scribes, à droite et un à droite et un à gauche. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset: "Iz yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'an al-yamini wa 'an al-shimali qa'id." Donc il dit le cheikh, عن اليمين وعن الشمال يسيت لو فيرسيه عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هذان ملكان موكلان بحفظ الاعمال احدهما عن اليمين والثاني عن الشمال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب اي مراقب حافظ وعتيد حاضر لا يغيب لا يغيب عنه. Donc le cheikh il dit, il cite ce verset dans sourate Qaf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, donc il y a un ange qui est assis à droite et un à gauche. Il n'y a pas une parole qu'il prononce excepté que il est en train d'écouter et d'enregistrer tout ce qu'il dit. Hein? Et il est présent. Il est présent et il enregistre et il écrit tout. Et il dit le cheikh ensuite, wa qawluhu ma yalfidhu min qawlin ahlun nahwi yaqulun inna min huna za'idatun. Za'idatun za'ida. Wa ma'na za'idatun za'ida أي زائدة في اللفظ وزائدة في المعنى يعني تفيد معنى زائدا عما لو لم تكن موجودة والمعنى الزائد هو التوكيد لأنه لو كان تركيب الآية ما يلفظ قولا إلا لديه لدل ذلك على أن الرقيب والعتيد حاضران عند كل قول لكن إذا قال من قول صار أبلغ في النفي ونظير ذلك قوله تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أي ما جاءنا بشير ولا نذير نعم وقوله ما يلفظ من قول نكرة في سياق النفي يعني مؤكدة بمن الزائدة إعرابا التي أفادت الزيادة معا إذن أي قول فإن لديه الرقيب العتيد يكتب أي قول نقول أما الحسنات فتكتب لا إشكال فتكتب ولا إشكال أما السيئات فتكتب ولا إشكال أما الكلام الذي لا يدخل في هذا ولا هذا فظاهر الآية الكريمة أنه يكتب ما يلفظ من قول أي قول يقول فيكتب كل قول كل شيء والله على كل شيء قدير فإذا كان صنع الإنسان لشريط التسجيل يسجل كل ما يلفظ به الإنسان فما بالك بما في أيدي الملائكة الذين هم مسخرون بأمر الله تعالى وقال بعض العلماء رحمهم الله إنهم لا يكتبون إلا ما يترتب عليه ثواب أو عقاب فدخل رجل على الإمام أحمد فوجده يئن من مرض ألم به فقال له إن طاووسا وهو أحد التابعين طاووس المشهورين أحد التابعين المشهورين رحمهم الله يقول إن الملائكة تكتب حتى أنين المريض في مرضه فأمسك رحمه الله عن الأنين خوفا من أن يكتب وهذا يدل على أن كل شيء يلفظ به الإنسان فهو مكتوب عليه ولكن الجزاء على حسب العمل فيجزى بالحسنة الحسنة بعشرة أمثالها ويجزى بالسيئة سيئة بمثلها. Donc on va traduire ce qu'on a lu là. Le cheikh il explique que il n'y a pas une parole qu'il prononce, excepté que, hein, il y a un ange qui est là, qui écoute et qui est présent et qui enregistre ce qu'il dit. Donc, ici, il mentionnait le point, est-ce que tout est enregistré ou non? Et il a parlé du min qui est mentionné dans le verset. Ma yalfidhu min qawlin. Il a dit que ça c'est un min qui est ajouté et qui rajoute un sens. Et le sens qui est rajouté, ça implique que tout ce qui est dit, hein, est enregistré sans exception. Parce que certains ulama avaient posé la question, est-ce que c'est tout ce qu'on prononce qui est enregistré par les anges, ou seulement les choses qui ont rapport avec les bonnes paroles ou les mauvaises? Il dit, en ce qui concerne les bonnes paroles, ça, il n'y a pas de problème. Que c'est écrit, c'est écrit. Si on dit des bonnes choses, on appelle à la vérité, on lit le Coran, on fait des zikr, on lit le hadith, on dit des paroles de bien, ça c'est écrit. Si quelqu'un dit des mauvaises choses, il dit des paroles de fausseté, il dit des choses incorrectes, ça c'est écrit comme un péché. Mais le cheikh, il dit, mais quand c'est des paroles qui sont ni bien ni mal, si quelqu'un il dit, ah, il fait beau dehors, ou j'ai faim, ou bien j'ai une voiture rouge, et ça c'est pas quelque chose de bien ni quelque chose de mal. Donc est-ce que ça aussi ça va être écrit? Et le cheikh il dit, selon le sens apparent du verset, ce serait tout sans exception qui serait écrit. Hein? Depuis que quelqu'un dit quelque chose, tout est écrit. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire ça, il a le pouvoir sur tout. Et il dit, si l'être humain est capable de créer un appareil qui enregistre tous les mots que tu prononces, sans exception, hein? Ou bien à l'époque, le cheikh il parle des cassettes, parce qu'avant on utilisait les cassettes, hein? Donc il dit, si l'être humain est capable de faire des cassettes qui enregistrent tout ce qu'on dit sans exception, alors n'est-ce pas que l'ange que Allah a envoyé est capable d'enregistrer tout ce qu'on dit sans exception? Oui, hein? Surtout que les anges sont envoyés par Allah et assujettis à son commandement. Et il dit que certains d'entre les ulama ont dit que les anges, ils n'écrivent que ceux qui implique une récompense ou un châtiment. Que si c'est d'autres paroles en dehors de ça, que ce ne sera pas écrit. Yani, c'est juste pour dire qu'il y a une divergence là-dessus entre les ulama. Mais le cheikh, il a mentionné comme exemple par rapport à ça, la parole de l'imam Ahmad. Ben, en fait, c'est une chose qui est arrivée à l'époque de l'imam Ahmad. Et c'est pour montrer en même temps la piété de l'imam Ahmad. Parce que lorsqu'il était malade, il était dans son lit de mort. Et on entendait comme si quand quelqu'un il est malade, des fois il va avoir peut-être des gémissements ou bien certaines plaintes qu'il fait comme ça, des bruits, hein, des gémissements qu'il fait ou qu'il émet à cause de la douleur. Alors il a eu la visite d'un des tabi'in, parmi les tabi'in très très célèbres, l'imam qu'on appelle Taous. Il a dit Taous, ou bien quelqu'un lui a rapporté la parole de l'imam Taous. Il lui a dit que l'imam Taous a dit que les anges écrivent même la plainte ou les bruits, les gémissements ou bien la plainte que le malade fait lorsqu'il est malade. Hein? Lorsque quelqu'un il souffre, parfois il va souffrir, on va entendre sa douleur quand il va faire un, je sais pas comment appeler ça, yani anine. Donc, il fait ce bruit-là, il va faire un son comme si pour dire il souffre. Il fait sentir sa douleur par ce bruit-là. Puis des fois, peut-être même le fait de faire ça, ça lui fait peut-être un peu de soulagement, je sais pas. Hein? Ah, c'est comme une plainte, c'est ça, c'est la plainte. Anin, c'est la plainte du malade. C'est comme c'est comme une complainte, peut-être. Mais l'agonie, c'est plus général. Mais ça veut dire quand quelqu'un il est mourant, il agonise. Donc, non. C'est comme on dit sakratul maut. Hein? Donc, ensuite, le cheikh, il a dit, les anges, ils écrivent tout du malade, même la plainte qu'il fait pendant sa maladie. Et à partir de ce moment-là, quand il a entendu la parole de Taous, il s'est retenu de se plaindre, de faire cette plainte. Hein, l'imam Ahmad, parce qu'il avait peur que ce soit écrit. Donc on voit comment l'imam Ahmad, il était pieux et comment il avait peur de faire quoi que ce soit qui pouvait déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, bon, il y a un autre point avant. Le Cheikh, il dit, وَالْمَسْأَلَةُ عِنْدِي مُحْتَمِلَةُ لِهَذَا وَهَذَا. Donc il dit, pour moi, il y a une possibilité que ce soit ça ou ça, l'un ou l'autre. Que soit que tout est écrit ou juste les paroles qui ont rapport avec qu'est-ce qui mérite d'être récompensé ou ce pourquoi une personne mérite d'être châtiée. Et il dit ensuite, Mas'ala, ورد أن الملك الذي عن يمين الإنسان يأمر الملك الذي عن يساره إذا أذنب الإنسان ذنبا أن لا يكتبه حتى ينظر أيتوب أم لا فهل هذا صحيح أم لا الجواب هذا الحديث فيه نظر وظاهر أنها تكتب كالحسنة فورا ثم إذا تاب تاب الله عليه. Donc ça, c'est une question qu'il y a un frère qui m'a posée justement la dernière fois. Quelqu'un m'a posé la question. Et là, justement, le cheikh dit, il a été rapporté que l'ange qui est à droite, il ordonne à l'ange qui est à gauche, lorsque quelqu'un fait un péché, de ne pas écrire tout de suite le péché en question et de donner un temps pour voir si la personne va se repentir ou non. Et est-ce que ça c'est authentique ou non? Et le cheikh il répond, il dit, le hadith à ce sujet, il y a des, comme si, pour dire, fihi nazar. Comment on pourrait traduire fihi nazar? C'est-à-dire que, il y a des choses à vérifier, c'est pas clair, c'est pas certain que c'est authentique. Et il dit, qu'est-ce qui est plutôt apparent? C'est que les péchés seront écrits automatiquement, comme les bonnes actions. Puis, lorsque la personne va se repentir, eh bien, Allah va accepter sa repentance. Hein? Et il dit, une autre question, mas'alatun ukhra, hal yadkhulu fil kitabati al-a'mal al-qalbiyya allati la yatalaffaz biha al-insan. Naqulu amma al-hamm fayuktab wa amma mujarrad hadith an-nafs fala yuktab. فإن الإنسان إذا حدث نفسه بشيء فإنه معفو عنه ولكن إذا هم به وعزم عليه كتبته الملائكة. Donc le cheikh, on a posé la question, est-ce que les actes du cœur, est-ce qu'elles seront écrites de la même manière que ce que la personne prononce? Et le cheikh il répond en disant, ce que l'être humain a réellement l'intention de faire, ça va être écrit. Mais si c'est juste une pensée qu'il a dans la tête comme ça, ça va pas être écrit. Parce que les pensées que la personne a, ça c'est excusable. Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Toutefois, qu'est-ce qu'il avait intention de faire, et qu'il avait l'intention de était déterminé à le faire, ça les anges vont l'écrire. Ensuite, il y a un autre point. Le cheikh il dit, وَأَخَرُونَ مُوَكَّلُونَ بِسُؤَالِ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْإِنْتِهَى مِنْ تَسْلِيمِهِ إِلَى مَثْوَاهُ. Donc, ensuite, il y a des anges qui sont chargés de poser les questions aux morts après que il est remis à son refuge et à sa destination finale. Donc, les anges, il y a des anges qui viennent pour lui poser des questions. Et le cheikh, il dit, Aïnaam, donc ça, c'est les anges qui viennent poser les questions au moment de la mort. Le cheikh, il dit, قوله وآخرون موكلون بسؤال الميت هل هذا السؤال يكون عند الدفن أو عند أو بعد الدفن أو ماذا؟ المؤلف يقول بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، فإذا سلم إلى مثواه حضر الملكان. وعلى هذا فالإنسان الميت الذي وضع في ثلاجة، ثلاجة الموتى لمدة يومين أو ثلاثة مثلا، لا يسأل، لأنه حتى الآن لم يسلم إلى عالم الآخرة. بينما الإنسان الذي مات في البحر والشاطئ بعيد ثم أرسل في الماء فإنه يسأل. وعلى هذا فتعتبر العبارة بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه عبارة دقيقة، أما قبل ذلك فإنه لا يسأل، حتى ولو بقي مدة طويلة فإنه لا يسأل. Donc la question que le cheikh il pose ici, est-ce que la personne elle est questionnée au moment où elle est enterrée, ou bien c'est-à-dire au moment de l'enterrement, ou c'est après l'enterrement ou quoi? Et la personne elle répond, elle dit quand le cheikh il a dit c'est une fois que on a terminé de l'amener à son refuge terminal ou à son endroit final. C'est à ce moment-là que les deux anges viennent. Et il dit donc une personne qui est morte, si on l'a mis dans un réfrigérateur pendant deux ou trois jours, par exemple, il dit à ce moment-là, on lui pose pas encore les questions, jusqu'à ce qu'elle soit ramenée au monde de l'au-delà. Et il dit, tandis que la personne qui est morte en mer, hein, et qui est loin de la rive, hein, puis que par la suite elle est ramenée par l'eau, hein, alors elle va être questionnée celle-là, cette personne-là. Et il dit wa ala hadha fatu'tabar, donc l'expression après qu'elle soit ramenée ou qu'on ait terminé de l'amener à son refuge final ou à l'endroit final où elle va aller, c'est une expression précise. Et il dit toutefois avant cela elle ne sera pas questionnée, même si elle va rester une longue durée de temps sans être questionnée. Donc ça c'est l'opinion du cheikh. Il dit wa ya'tihi malakan yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Donc il y a deux anges qui viennent au moment de la mort et ils lui posent les questions à propos de qui est son seigneur, quelle est sa religion et qui est son prophète. Et le cheikh Ibn Uthaymin il dit, Ibn Uthaymin, je m'excuse si je me trompe là, corrigez-moi, parce que ici c'est Ibn Uthaymin. Ouais. Donc il dit ثلاث مسائل وعلى هذا بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته المعروفة الأصول الثلاثة على أن يسأل عن ربه ودينه ونبيه. Donc quand on dit le livre de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Usul al-Thalatha, son livre des trois fondements al-Usul al-Thalatha, il est basé sur cette question des anges au moment de la mort. L'ange qui vient, les deux anges qui viennent, ils te posent trois questions. Ils te demandent qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète. C'est ça les trois fondements. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a écrit son livre par rapport à ces trois questions-là, comme étant les trois fondements de l'islam. Hein? Et il dit « وَهَؤُلَا الْمَلَائِكَ الَّذِينَ يَعْتُونَ فِي الْقَبْرِ هَلْ هُمْ الْمَلَائِكَ الْمُوَكَّلُونَ بِحِفْظِ الْأَعْمَالِ وَكِتَابَتِهَا أَمْ هُمْ غَيْرُهُمْ الجواب أن نقول الله أعلم. فهذه أمور غيبية لا نتكلم في شيء منها إلا بما جاء به النص فالله أعلم. ويحتمل أن يقال لهؤلاء الذين يكتبون أعمال بني آدم انتهى عملكم فاختبروا هذا الرجل. ويحتمل أن يقال إن هؤلاء الملائكة خاصون بسؤال الأموات والمهم أنه ليس لنا كبير فائدة أن نعرف هل هم الملائكة الذين يكتبون أعمالنا أم هم ملائكة آخرون فهذا ليس لنا فيه شيء والملائكة عددهم لا يحصيه الله لا يحصيه إلا الله عز وجل. Donc le cheikh, on lui pose la question, ou bien il pose la question, est-ce que les anges qui viennent poser les questions dans la tombe, est-ce que ce sont des anges, qui, les mêmes anges que ceux qui ont écrit les œuvres qu'on a faites, ou ce sont d'autres anges? Et le cheikh, il répond, il dit, Allahu a'lam, c'est Allah qui sait, parce qu'il dit ça, c'est des choses de l'invisible. Et on ne peut pas parler à propos de l'invisible, excepté selon ce qui est rapporté dans les textes. Donc Allah sait mieux. Hein, Allahu a'lam. Mais yani, ça, on peut supposer que yani, ces anges-là sont ceux qui écrivent les œuvres des fils d'Adam et que lorsqu'ils terminent leur travail d'écrire les œuvres, hein, ils sont demandés de questionner l'être humain et de les tester. Donc ça, c'est une possibilité. Et aussi, c'est possible que ce soit d'autres anges spécifiques qui sont chargés de ce travail spécifique de questionner les morts au moment de leur mort. Mais l'important, c'est de savoir qu'il n'y a pas un grand bienfait. Hein, c'est pas si important que ça pour nous de savoir est-ce que ce sont les mêmes anges que ceux qui écrivent nos œuvres ou est-ce que ce sont d'autres anges. Il dit ça, il n'y a pas grand-chose d'important pour nous de connaître ça. Et il dit, le nombre des anges d'Allah est tellement grand qu'on ne peut pas les dénombrer. Ils sont trop nombreux. Hein? Et c'est seulement Allah qui connaît leur nombre exact. Ensuite, le shaykh, il dit, « وَيَسْأَلَانِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. C'est-à-dire, ici, le cheikh, il paraphrase, il cite le verset en même temps, dans Sourate, je pense que c'est dans Sourate Ibrahim, le verset 27, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi ceux qui ont cru par une parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il explique qu'est-ce que ça signifie. Ça, c'est au moment de la mort, hein. Que lorsqu'on est questionné, Allah il raffermit les croyants à ce moment-là pour être capable de répondre aux questions correctement. Et donc il dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهو قول الحق ويضل الله الظالمين فلا يقولون بالحق ولهذا كان المؤمن يقول أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بدون تلعثم ولا تذكر يقول بدون تلعثم ولا تذكر ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يجيب جوابا مطابقا للحق وغير المؤمن وهو الظالم يقول ها ها لا أدري وكلمة ها ها تدل على أن الرجل يريد أن يتذكر ولكن يعجز كما لو كلمك إنسان وقلت له ها ها كأنك تتذكر شيئا وهذا مما يزيده حسرة لأن فقد الإنسان لما حصل أعظم من فقده يعني فقد الإنسان لما حصل أعظم من فقده مما لم يحصل ولهذا لو كسبت 10 دراهم ثم ضاعت أشد مما لو أن لم تكسب شيئا فهذا المنافق الذي يقول ها ها لا أدري فقد شيئا عجز عن إدراكه فصار هذا أشد حسرة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au verset 27 dans Surat Ibrahim, il dit qu'il va raffermir les croyants avec une parole de fermeté. Il dit cette parole de fermeté, c'est la parole de la vérité, la parole de la vérité. Et par contre, que les gens de l'égarement, hein, les injustes, il va les égarer. Les injustes, il va les égarer. Ils ne seront pas capables de dire la parole de vérité à ce moment-là. Et il dit que c'est pour cette raison-là que le croyant, il dit, et en même temps, le cheikh, il fait un dua dans la phrase. Il dit, je demande que Allah nous mette parmi ceux qui, hein, nous, qui me mettent, et ainsi que vous-même, parmi ceux qui vont répondre sans bégayer, sans avoir de la difficulté à se rappeler, hein. Ils vont dire, mon Seigneur, c'est Allah. Ma religion, c'est l'islam, et mon prophète, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils vont répondre une réponse qui est en accord avec la réalité et la vérité. Tandis que les non-croyants, hein, c'est-à-dire les injustes, hein, comme Allah dit dans le verset, وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, hein, les injustes, eux, ils vont dire, هَا هَا لَا أَدْرِي, hein, ha ha la adri, Cheikh il dit, c'est comme si quand il dit ha ha, c'est comme si ha ha, il essaie de se rappeler mais il s'en rappelle pas, il sait la réponse mais il sait pas comment le dire, c'est comme s'il n'arrive pas à le faire, à mettre ses paroles en place ou à mettre ses idées en place, donc il se force pour essayer de se rappeler de la réponse correcte mais il est pas capable de la dire. Donc c'est à ce moment-là, il n'est pas capable de sortir les paroles nécessaires. Et c'est comme lorsque quelqu'un se rappelle de quelque chose et il n'est plus capable de le dire ou bien il s'en rappelle plus. Alors là, il est vraiment, comme on dit, il dit yazidu hasratan. Hasra, c'est comme il est dans une situation qui lui fait sentir le désespoir parce que, hein, il est désespéré à ce moment-là parce que c'est comme s'il a perdu quelque chose qu'il avait. Il sait qu'il le savait, mais il n'est pas capable de s'en souvenir. Donc là, il est vraiment désemparé à ce moment-là. Tandis qu'une personne qui ne l'a jamais su, hein, le cheikh dit, c'est comme quelqu'un qui a une somme d'argent, on va dire, il a 10 dollars, hein, puis qu'il l'a perdu. Il va être plus triste d'avoir perdu cet argent-là que celui qui n'a pas 10 dollars en partant. Hein, s'il ne l'avait pas, il n'est pas triste de l'avoir. Puisqu'il ne l'a pas perdu, il ne l'a jamais eu. Tandis que celui qui l'avait, il sait qu'il l'avait dans sa poche. Mais quand il le cherche, il ne le trouve pas. Hein, là, il est encore plus désemparé. Donc, c'est la même chose pour la personne qui savait la réponse. Eh oui, j'ai appris ça, je le connais. Et il essaie de le dire, mais il n'est pas capable. Hein, qu'Allah nous préserve de cette situation. Puis qu'il fasse qu'on soit de ceux qui vont répondre à ces questions avec facilité et avec fermeté. Et le cheikh, il dit ensuite, donc cet hypocrite-là, il va essayer de répondre et au lieu de dire la réponse correcte, il va dire « ha ha la adri ». Et dans une autre narration, le cheikh, il a dit « j'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai répété ». Sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultu. Hein? Ça veut dire qu'il disait la chose, mais il ne le disait pas avec conviction. Il ne croyait pas réellement. Et donc c'est ça. Et ensuite, le cheikh il continue avec la suite du verset. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Il dit وَقَوْلُهُ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَلِهَذَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ أن نقف عليه وأن نستغفر له فكان إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل يعني يقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له ثلاث مرات اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته ثلاث مرات لأن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم غالبا أنه كان إذا دعا ثلاثا فهؤلاء الملائكة إذن muwakkaluna bi su'al al-mayyit. Donc le cheikh il dit, hein, et juste avant de dire ça, je voulais juste mentionner que Cheikh Al-Fawzan, dans un des livres qu'il a mentionné à propos de ça, il a dit que la personne qui va être questionnée, si elle n'était pas sincère quand elle disait cette parole, elle ne saura pas comment répondre, même si elle était parmi les ulama, même si elle avait étudié ça, ces sujets, elle ne sera pas capable de répondre. Donc ça n'a pas rapport avec une question de connaissance à ce moment-là. Et donc ça c'est important de le souligner. Puis aussi par rapport à la personne lorsque elle est questionnée dans la tombe, Cheikh il expliquait aussi que si par exemple quelqu'un il est Cheikh Ibn Uthaymeen, il mentionnait que si quelqu'un il est brûlé ou si quelqu'un il est avalé par un animal, mangé par un lion ou quelque chose comme ça, c'est la même chose. Lui aussi, il va être questionné. Et du moment qu'il est mort, même si cette personne-là, elle ne sera pas enterrée, mais elle sera quand même dans le barzakh et elle sera quand même questionnée de la même manière que les autres musulmans. Naam. On avait expliqué ça dans le livre Al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad, lorsqu'on avait parlé de ce sujet. Ensuite, le cheikh il dit, oui, donc on va traduire qu'est-ce qu'on avait lu en dernier. Il dit c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir terminé d'enterrer quelqu'un, hein, lorsqu'il a terminé d'enterrer un mort, il disait, hein, il dit on reste à l'endroit de où il a été enterré et on demande pardon à Allah pour lui. Et lorsqu'il avait terminé d'enterrer un mort, il disait « Demandez pardon pour votre frère et demandez pour lui le raffermissement, c'est-à-dire qu'il soit raffermi, parce qu'en ce moment, il est questionné. En ce moment, il est questionné par les anges. » Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud, selon Uthman, radiallahu anhu. Et il dit donc à ce moment-là, on devrait dire nous, on répète trois fois Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. C'est-à-dire oh Allah pardonne-lui, oh Allah pardonne-lui, oh Allah pardonne-lui. Et après on dit Allahumma thabbithu, Allahumma thabbithu, Allahumma thabbithu. Oh Allah donne-lui at-tathbit, c'est-à-dire la fermeté. Raffermis-le. Oh Allah, raffermis-le. Oh Allah, raffermis-le. Et tu le dis trois fois parce que c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire trois fois le dua lorsqu'il faisait un dua. Et donc, ça c'est pour expliquer qu'il y a des anges qui sont responsables de questionner les morts, hein, lorsqu'ils meurent. Naam. Donc on va s'arrêter à ce point-là pour aujourd'hui. On continuera la suite au prochain cours demain, inshallah, sur la foi en les anges. Et je crois que ça sera le dernier cours sur la foi en les anges demain, inshallah, parce qu'il ne reste que trois pages. Après, on va commencer la foi en les livres. La foi en les livres. D'accord ? Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم